Le moteur chantait encore quand James Oldsilver s'éveilla. L'aéroplane achevait de se poser doucement sur le sol. Il courut et s'immobilisa, au moment où le jeune milliardaire ouvrait les yeux aux paupières pesantes. C'était un lent et pénible réveil comme on en a au sortir d'un somme trop long et trop profond. Il est impossible de reprendre immédiatement contact avec la réalité. Il faut s'y réadapter peu à peu. On se sent hébété et engourdi. Ni le cerveau ni les membres ne paraissent fonctionner et les regards se promènent, sans boire, sur un cadre qu'ils ne reconnaissent pas. La première question qu'on se pose dans un bâillement dès qu'on peut penser et formuler sa pensée est « Où suis-je ?» James n'y manqua point et il acheva d'ouvrir des yeux que l'étonnement agrandissait à mesure. « Sapristi » cria-t-il enfin, tout à fait réveillé cette fois, et près de lui, M. Jingle Gognard riposta simplement, n'est-ce pas ? « Où suis-je ? Où sommes-nous ? » répéta avec force l'acteur en sautant hors de la carlingue. Il pirouetta sur lui-même pour examiner un autre coin du paysage, et entraîné par une stupéfaction sans bornes, il se mit à tourner à la façon d'une toupie en poussant des exclamations variées. M. Jingle l'avait rejoint et se tenait près de lui, suivant tous ses mouvements avec la sollicitude d'une mère poule à l'égard de son poussin. Il retint le jeune homme par les épaules. « Laissez donc, vous en verrez bien d'autres, » dit-il négligemment. Le paysage avait pourtant de quoi surprendre. Fermé de toutes parts, entouré de hautes montagnes, c'était un cirque inaccessible à tout autre qu'un aviateur ou un oiseau. L'emploi de l'aéroplane s'expliquait. Mais ce n'était point cette particularité qui intriguait James Oldsilver. Le spectacle était devant lui. Car le hasard de l'atterrissage l'avait amené devant une muraille de roc, droite et lisse, qui servait de piédestal au plus étrange des décors. À plusieurs centaines de pieds au-dessus de sa tête, James pouvait apercevoir, adossé à une paroi de rocher, une architecture fantastique, succession de frontons de palais et de temples, de parvis et de colonnades aux chapiteaux sculptés en forme de monstres gigantesques. C'était une cité mystérieuse et merveilleuse, tout en façade. Ou ce n'en était que la façade. Ses proportions colossales impressionnaient. Mais une autre cause d'impression, plus profonde encore et qui prenait à la gorge, était le silence et l'immobilité qui régnaient. Les parvis restaient déserts, aucune silhouette n'animait les marches et les entrecolonnes de ces palais et de ces temples, faits pour des multitudes. Il semblait qu'on fût devant les vestiges, merveilleusement conservés, d'un monde trépassé. « Quel fond de scène !» s'enthousiasma James, en qui l'acteur reparut. Puis il s'apitoya. Et dire qu'au cinéma nous dépensons des millions pour obtenir des trucages, du simili, il suffirait de chercher. À quoi bon de faux décors? Tout ce que nous pouvons rêver existe dans la vie, absolument tout, je m'en aperçois tous les jours. Il aurait pu dire, depuis quelques jours, car jamais auparavant il ne s'était avisé que la réalité ressemblait si fort au cinéma. Seulement, il faudrait pouvoir grimper là-haut, conclut-il en se grattant l'oreille. Une fameuse échelle serait nécessaire. Qui, diantre, pouvait habiter là? Quel peuple? Quelle race disparue? Il rêva devant ce grandiose vestige, mais sans pouvoir découvrir le mot qu'il cherchait. Sans doute, il avait quelques notions des styles, et les reconstitutions cinématographiques lui avaient appris l'aspect de bien des architectures antiques, des splendeurs de Babylone à celles de Byzance, des merveilles élevées par les siècles défunts sous les cieux d'Égypte et d'Assyrie, de la Grèce ou de l'Inde. Ses yeux avaient mesuré les hauteurs respectives des temples, des palais et des tombeaux, fixés avec le même flegme, l'énigme du sphinx et la monstrueuse indifférence des Bouddhas. Toutes les civilisations lui avaient livré le secret de leurs ruines. Mais dans ce décor épargné par le temps, dans ces façades gigantesques plaquées contre la montagne, et qui n'étaient vraisemblablement que la porte d'entrée de palais creusés dans le roc, James, déconcerté, hésitait et flottait. En fait, l'Orient et l'Occident paraissaient avoir collaboré à cette œuvre bizarre. Eût-elle été l'œuvre d'un décorateur inspiré par quelques metteurs en scène, traduisant les indications d'un scénario, que James eut haussé les épaules en grommelant des épithètes peu laudatives, ignorant, stupide, vandale. Mais, parce qu'il pensait avoir devant lui d'authentiques témoignages d'un art disparu, il en admettait l'originalité et saluait ses conceptions abracadabrantes. S'émerveillant seulement que l'Antiquité pût, elle aussi, présenter cet étonnant étrange de grotesque et d'incohérent, cette fantaisie et cette inconscience qui semblaient jusqu'alors l'apanage des résurrecteurs de ruines antiques à l'usage des troupes de cinéma. S'arrachant à sa contemplation, il dévisagea le détective. « J'ai dormi ? » questionna-t-il d'un air soupçonneux. « Un peu, » ricana M. Jingle. « Il paraît que vous aviez sommeil. » « Cela m'a pris bien subitement, » prononça James rêveusement. « Oui, en vérité, juste à point pour vous permettre de prendre la direction des commandes. Car c'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas ?»« Serions-nous ici, s'il en avait été autrement ?» riposta M. Jingle avec désinvolture. « Attendre votre réveil eût été du temps perdu. »« Mon sommeil a été provoqué, » émit l'acteur en fixant sévèrement son compagnon. « Ce vin que vous m'avez fait boire, quelle drogue infernale, je le parierais. » M. Jingle haussa les épaules. « À quoi bon faire des suppositions ?» répliqua-t-il. « Placez-vous donc un peu en face des faits accomplis, jeune homme, et perdez cette habitude de toujours vouloir regarder en arrière. Cela ne peut vous servir de rien, croyez-moi, vous êtes ici, j'y suis. » « Grâce à vous, hé hé !» confessa M. Jingle, d'un air éminemment satisfait. « Je n'aime pas les mauvaises plaisanteries, » dit sèchement James. « Oh, en est-ce une ?» s'effara le détective. « Vous êtes en bonne santé, ce me semble, et tout à fait libre de vos gestes. Si j'avais voulu vous jouer un méchant tour, un tour à la Calinette, avouez que je m'y serais pris autrement. » James ne pouvait contester ce point. Si le détective lui avait versé un narcotique, c'était sans mauvaise intention, au moins quant au résultat. Fort probablement, il n'avait agi ainsi que pour couper court aux questions de son jeune compagnon et suivre à sa guise un plan qu'il estimait bon, sans perdre de temps en explications inutiles. Toutefois, Jay Oldsilver trouvait le procédé un peu cavalier et continua de manifester de la mauvaise humeur. « Où sommes-nous ? » recommença-t-il d'un ton sec. « Dans la lune, » riposta facétieusement M. Jingle. Mais James, l'ayant regardé de travers, il s'empressa d'ajouter, sur un mode plus convenable, « Ouh, c'est tout comme !» Son geste se fit solennel, il tendit sa dextre dans la direction des palais étranges et prononça « Voici ce que des yeux humains, j'entends d'humains, ayant conscience de leur humanité et pourvus de cette intelligence et de cette raison qui sont nos plus beaux titres de supériorité, n'ont jamais contemplé. En vérité, Monsieur Oldsilver, c'est un bien extraordinaire voyage que vous venez d'accomplir pour aboutir au seuil de tous les étonnements. J'ai presque envie d'ajouter, et de tous les effrois. Ceci non pas pour vous épouvanter, car je vous sais le cœur solide et le regard hardi, mais pour vous mettre en garde contre une situation qui nous entoure de péril. Peu d'explorateurs ont tenté de violer le mystère de contrées mieux défendues. » Jay Oldsilver l'interrompit. « Quand vous m'aurez dit où est située celle-ci, » commença James. « Ce qu'il vous importe de savoir, c'est moins l'histoire de ce singulier pays, dont les vestiges vous ébahissent, moins son passé et ses habitants disparus, que celle de ses occupants actuels. » Il fixa James et acheva délibérément. « Monsieur, il vaudrait mieux pour vous être tombé chez les anthropophages. »« Trêve de boniment !» coupa dédaigneusement l'acteur. « Où m'avez-vous entraîné ?»« Là où nous avions affaire, » affirma le détective. De nouveau, il pointa du doigt les palais colossaux. Miss Perle Rose est là. » Un temps, il ajouta, sur le masque aux yeux rouges. L'émotion fit balbutier James. Vous en êtes sûr ? C'était en lui un tourbillonnant mélange d'ahurissement, d'admiration, d'espoir en même temps que de crainte, et de doute, qui se dérobait à toute analyse et enlevait au jeune homme sa lucidité habituelle. Sa chère perle était mêlée à l'histoire. C'était ce qui l'empêchait de voir clair, car le bandeau symbolique de l'amour voile nos yeux pour tout ce qui touche à l'aimer. Le sang-froid n'est point le fait d'un amoureux. James avait perdu le sien, et c'est pourquoi il restait suspendu aux lèvres de M. Jingle, le cœur battant, l'esprit affolé. M. Jingle se redressa et affirma avec hauteur, « Absolument sûr. » Bien qu'il ne fût pas d'une taille sensiblement différente, les circonstances faisaient qu'il paraissait dominer James. Son affirmation tomba de très haut. En un clin d'œil, il était redevenu l'effarant Jingle du début. Le diable surgit d'une boîte à surprise, pouvant jongler avec les énigmes et résoudre les difficultés à la façon des prestidigitateurs. Il ne fallait plus lui demander le pourquoi des choses, ni l'explication logique de ses actes. Mais on pouvait attendre de lui des miracles. Il se plaisait à étonner, mais il dédaignait d'éclairer. Oui, c'était un bien stupéfiant personnage. James regarda autour du lit avec fièvre. « Ce serait donc là ? Mais comment avez-vous pu savoir ? Qui vous a guidé ? Et d'abord, n'est-ce pas imprudent d'être venu atterrir au pied de ces palais ? Ne risquons-nous pas d'être aperçus ?» Monsieur Jingle ne répondit qu'aux dernières questions. « Je ne crains pas cela, » déclara-t-il d'un air supérieur. Sûr d'être inattaquable dans son air, Big Johnson ne se met jamais au balcon. En d'autres termes, on ne surveille pas de ce côté. D'ailleurs, il a bien d'autres chats en tête. Vous n'avez pas idée de la vie qu'on mène là-dedans. « Quelle vie ?» demanda James, impressionné. « Savez-vous devant quoi nous sommes et comment le masque aux yeux rouges dénomme son domaine ?» reprit mystérieusement M. Jingle. « C'est le palais du délire. Moi, je l'appelle plus simplement et plus exactement le royaume des fous. Car ils le sont tous là-dedans, fous alliés. Ah oui, une jolie collection qu'a réunie la Big Johnson. Il peut s'en vanter. C'est naturellement le petit diable qui la lui a constitué. » James écoutait en frissonnant. Miss Pearl était dans ce palais de la démence. Il incrusta ses doigts dans le bras du détective. « Hâtons-nous » supplia-t-il. « Un instant !» répliqua M. Jingle en se dégageant. « Il faut d'abord que je vous mette au courant. Naturellement, je connaissais l'existence de ce repère, par ouï-dire seulement. Mais j'avais recueilli d'importants tuyaux, et je comptais bien lui payer une visite un jour ou l'autre, en pleine saison, en pleine fête, c'est-à-dire quand Big Johnson y est. Il paraît qu'il se passe là-dedans des choses inimaginables. C'est à voir. Bien qu'on prétende qu'on puisse en sortir avec des cheveux blancs et la cervelle à l'envers. » Il acquiesça d'un signe de la main la supplication angoissée des yeux de James. « Ne vous en faites pas. Si je parle avec ce calme qui vous horripile, c'est que je sais que nous arriverons à temps. Autant dire que je connais le programme. Rien ne presse. » Sa main refit le geste machinal de tirer sa montre, mais il ne l'acheva point. « Je vais vous faire un aveu, » continua-t-il. « J'aurais pu pincer plus tôt le masque, au restaurant, ou même sur son yacht, ou ensuite quand nous l'avons rejoint. J'aurais même pu lui mettre la main dessus en dépit de cette satanée câlinette. « Oh !» râla James en serrant les poings. « Du calme, mon garçon. Si vous m'étranglez, vous ne saurez rien. Et vous allez pouvoir compter tout à fait sur moi. Aujourd'hui, M. Jingle va donner sa mesure, parce qu'il va réaliser son rêve. Il tient enfin non seulement le fou, mais toute sa compagnie dans le fameux palais. La pionnie, Old Silver. Nous allons trouver la pionnie. C'est l'occasion que je guettais. Comprenez-vous pourquoi j'ai négligé les autres ? Sacrebleu, il ne faut pas manger son blé en herbe. » « Et vous avez sacrifié Miss Pearl pour ce jeu stupide ?» se récria James, sincèrement indigné, en jetant au détective un regard de haine. « Ah, ces amoureux !» grommela celui-ci. « Ils ne comprennent rien. Je vous dis qu'elle ne court aucun danger. Endiablé garçon, nous la retrouverons intacte. Je m'en porte garant. Tenez, j'accepte que ma peau réponde de la sienne. » James haussa les épaules. « Stupide Jingle, comment sa vilaine peau, rougie par le phare et corrodée par l'abus des alcools, pourrait-elle compenser la merveille dont il parlait ? Des douzaines de Jingle écorchés tannés n'eussent pu payer, ni surtout remplacer, un millimètre carré de ce satin rose qui recouvrait le corps harmonieux de l'actrice. « Ne dites pas de sottises, » protesta-t-il farouchement. « Le diable seul voudrait de votre vilaine face, pour ce qui est de Miss Pearl. »« Eh, nous l'en tirerons. Je me tue à vous le répéter, » ricana le détective. « Je vous dis que j'ai déjà combiné l'emploi de la récompense que vous m'allouerez, généreux seigneur. Ceci doit vous tranquilliser. » « Oui, peut-être James. » préférait-il la garantie de l'intérêt. Il gémit pourtant. Pearl sortira de là intacte, soit, mais sa raison. Vous m'avez dit que dans cet infernal repère, on s'amuse à rendre fous les visiteurs, compléta froidement M. Jingle. C'est peut-être ce qui nous attend. Mais pour une raison que vous connaîtrez bientôt, s'il vous reste à ce moment une once de bon sens, Miss Pearl est hors de jeu. Pour l'instant, laissons-la donc et occupons-nous de nous-mêmes. « Êtes-vous décidé à risquer la folie ?»« Je suis décidé à tout, » répondit James d'une voix sombre. « All right, » jubila M. Jingle, « je crois que nous nous amuserons. » Il toisait la distance qui le séparait du piédestal de roc comme s'il prétendait l'escalader d'un bond. James faisait de même. « Comment ce fou a-t-il déniché cette merveille » demanda-t-il. « En quel recoin du monde ?»« C'est un détail sans importance, » riposta M. Jingle. « Qu'il vous suffise de savoir que l'endroit est inviolé et ignoré du reste des hommes. À part nous et le petit diable, Nulle créature sensée n'a jamais mis le pied sur ce sol qui ne figure sur aucun atlas. Mais vous avez pu nous y transporter en aéroplane, s'étonna James. Vous en connaissez donc le relèvement. Mystère et discrétion, goguenarda M. Jingle. Ne me demandez aucune explication. Il avait repris son air sarcastique et énigmatique. James comprit qu'il ne lui arracherait pas son secret. « Soit, grogna-t-il, nous y sommes, c'est l'essentiel. Et lorsqu'il s'agira de repartir, il faudra bien que vous me montriez le chemin. Il est d'ailleurs impossible que nous ayons quitté l'Amérique. Pourquoi impossible ?» ricana M. Jingle. « Parce que ce n'aurait pas été un voyage de quelques heures. » Le détective ricanait toujours. « Et qui vous dit que nous ne sommes restés que quelques heures en route ? Vous dormiez, donc vous n'aviez pas la notion du temps. Nous pouvons parfaitement avoir mis plusieurs jours et nous trouver très loin, quelque part au diable. On en causera plus tard. Pour le moment, il esquissa un signe discret. « Soit, répéta James, parlons de votre projet. Vous ne m'avez pas amené ici pour contempler le paysage. Vous voici raisonnable. Nous allons nous entendre. Je vous propose une association. » « Que voulez-vous ? Reprendre Miss Pearl ? Quel est mon dessein ? Capturer Big et sa bande ? Vous engagez-vous à m'aider ?»« Nous ne sommes que deux, » s'exclama James. Monsieur Jingle sourit d'un air mystérieux. « Je compte probablement sur du renfort, » dit-il avec réserve. « Ne me demandez rien. Sachez seulement que mes dispositions sont prises et que je suis sûr du succès, pourvu que vous obéissiez. Je pose la question de confiance. » Un instant, James se sentit perplexe. S'en remettre encore à l'inspiration de M. Jingle, n'était-ce pas risqué? Mais sans lui, que ferait-il? Il n'avait qu'à accepter et à marcher en aveugle. Pourquoi, après tout, n'aurait-il pas confiance? Et quel intérêt aurait pu avoir M. Jingle à le berner? Quel intérêt? En vérité, il suffit d'un bien petit caillou pour faire trébucher l'homme qui dort en marchant et le tirer de son somme. Et ce genre de cailloux, le hasard se plaît à le semer sur les pas des humains pour faire échouer les plus ingénieuses combinaisons. James n'avait aucune raison sérieuse de suspecter M. Jingle et de refuser sa proposition. Sa réponse se lisait sur son visage et déjà il ouvrait la bouche pour la formuler. Avant qu'il eût dit le « oui » attendu, M. Jingle le devina et sa joie éclata, exubérante et imprudente. Peu s'en fallut qu'il ne sautât de joie comme la Perrette de la fable. Mais il se contenta de traduire, avec une certaine vulgarité, son intime jubilation par une grimace joviale et drôlatique, accompagnée d'un certain geste. Geste fatal, grimace néfaste, l'un et l'autre produisirent sur James un effet incommensurable. Sa bouche et ses yeux s'arrondirent, il demeura pantois, tandis qu'une expression d'intense surprise se peignait sur sa face. « Oh ! » cria-t-il. Et il continua de fixer M. Jingle. En même temps, à sa stupeur première, s'ajoutait une gamme de sentiments allant de la colère au dépit. M. Jingle le considéra avec candeur. Il ne comprenait certainement pas ce qui se passait dans l'esprit de James. Seulement, il s'étonnait de son brusque changement d'attitude. Tout à coup, l'acteur partit d'un grand éclat de rire, mais d'un éclat de rire saccadé, grondant, qui raillait en lui quelque énorme naïveté. « Sacredié, soyez donc sérieux !» m'origina M. Jingle, d'un ton mécontent. « Qu'est-ce qui vous prend ?» Cette gaieté, qu'il jugeait indécente, glaçait soudain la sienne. Il se retrouva grave et morne, comme il convenait en la circonstance. Le jeune milliardaire ne répondit pas, mais il cessa de rire, fit quelques pas avec agitation et se retourna vers M. Jingle. « Bob Staff » appela-t-il tout à coup. « Ici, vieux Bob !» M. Jingle sursauta comme un homme atteint en pleine poitrine par un coup inattendu. Il se roidit et pinça les lèvres. « Quelle est cette face-ci » grogna-t-il d'un air qui essayait d'être naïf et vexé. « À qui en avez-vous ?» James vint lui taper sur l'épaule. « Allons, vieux Bobby, ce n'est pas la peine de continuer. Vous êtes reconnu, » riposta-t-il froidement. « Vous avez donc changé d'emploi, morbleu. Qui m'aurait dit que je retrouverais Bob Staff dans un pareil rôle ?» M. Jingle rougissait, pâlissait. Verdissait, en proie à un évident malaise. « Mais je ne comprends pas » bégaya-t-il. Rudement, la main de J. Oldsilver s'appesantit sur lui, et sous la pesée, M. Jingle se cassa comme un pantin. « Fini de rire !» dit le jeune acteur. « La farce a assez duré. Mais il s'agit de me l'expliquer. Monsieur Jingle, le détective, est un mythe, une apparence, un rôle. Vous êtes Bobby Staff, l'acteur avec lequel j'ai tourné plusieurs fois. Pas d'erreur, mon bonhomme. Vous venez de vous trahir par votre grimace. Vous savez bien, votre fameuse grimace qui faisait tordre le public. Un effet sûr, il ne rate jamais. Il n'a pas raté davantage, cette fois-ci, sacrebleu. Vous pouvez vous vanter de m'avoir roulé. Vous étiez fameusement maquillé. Penaud, déconcerté, Monsieur Jingle, alias Bob Staff, ne savait quelle contenance adopter. Il regardait James avec un effarement pitoyable. « Vous êtes sûr? Vous me reconnaissez ?» Puis, il baissa le nez et regarda piteusement les pointes de ses bottines en murmurant. « Quelle gaffe! Et c'est ma grimace! C'est votre grimace !» La mémoire est une bizarre mécanique au fonctionnement mystérieux. De quoi est-elle faite au juste? Il faut subir ses caprices sans les expliquer. On peut, pendant des heures et parfois pendant des semaines, s'acharner à chercher un souvenir qui vous échappe comme on poursuit de fleur en fleur un papillon goguenard ou de buisson en buisson un oiselet narquois. Puis tout à coup, sans raison apparente, alors que dépité on a renoncé à mettre la main dessus, le mot, la circonstance, la date ou la physionomie se pose devant vous, s'inscrit lumineusement dans son cadre intégral et on reconnaît, on s'exclame. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt, cela me crevait les yeux. Ainsi en était-il pour James. Parbleu, il ne s'étonnait plus que depuis leur rencontre, la physionomie inconnue et familière de M. Jingle eût taquiné. Il s'expliquait cette impression persistante de déjà-vu incomplet qui le tourmentait et lui faisait dire « Je connais pourtant cette tête-là », mais sans lui permettre de mettre un nom sur le visage. Un visage parfaitement inconnu d'ailleurs. Un visage refait dont quelques éléments mêlés à d'autres éveillent en lui des souvenirs imparfaits. Une face dont on aurait effacé quelques traits, l'indispensable, ceux qui caractérisent une physionomie et laissent tout juste assez de détails pour permettre la question classique « à qui l'œil, à qui le nez ?» et l'ingénieuse gymnastique du chercheur. L'œil, il ne disait rien à James, et le nez pas davantage. Mais il en allait autrement de la grimace cocasse, à elle seule. Elle était une personnalité, elle révélait son inventeur. Un seul pitre au monde réussissait cette grimace-là, et en la revoyant, James, illuminé, s'était écrié « Mais c'est lui, c'est Bobby Staff !» Monsieur Jingle, un inconnu. Mais Bobby Staff, c'était différent. Et soudain, le mystérieux détective s'évanouissait. Il ne restait devant l'amoureux de Miss Pearl qu'un acteur en qui il flairait un mystificateur. Mais pourquoi? Dans quel but? Il rugit en empoignant Staff Jingle par le collet de son habit. Pour le compte de qui jouez-vous ce rôle? Car il pressentait bien que ce n'avait pas été par Bobby seulement qu'il s'était laissé duper. Bobby n'était qu'un pantin, un instrument. Une autre main tirait la ficelle. Laquelle? James le pressentait et criait de fureur. Démasqué, le faux Jingle ne rejambait point. Il s'effondra piteusement. Vous vous en doutez bien, murmura-t-il, c'est lui. Et son geste humble et discret indiqua le rocher, le décor mystérieux des palais. Lui? Big Johnson, le masque aux yeux rouges. Ou le petit diable, mais c'est tout comme, confessa Lex Jingle. Et il se tint quoi devant James, furibond. Voilà une bêtise qui me coûtera cher, prononça-t-il mélancoliquement. James ne s'apitoya guère. Mon garçon, vous allez tout me dire, fit-il d'un ton menaçant, sinon je vous casserai la figure. Savoir, ricana Bobby Staff en se redressant d'un air de défi. Nous sommes plus de deux, mon camarade. « Ce n'est pas dans les conventions. »« Celles que vous avez conclues avec le bandit ?» interrompit James avec mépris. « Combien vous paye-t-il pour faire ce vilain métier ?»« Il n'y a pas de déshonneur. » se rebiffa le faux détective. « Nom d'une pipe, pesez un peu vos termes, James Oldsilver. Je comprends, vous soyez mécontent, mais cela ne vous donne pas le droit de m'insulter. Après tout, c'est un engagement comme un autre. Taisez-vous, traître. Nom d'une pipe !» répéta rageusement Bob Staff. « Nom d'une pipe, c'est un peu fort tout de même. » « Vous me traitez comme le dernier des derniers. Vous l'êtes !» affirma brutalement James. « Oui. Pour avoir accepté pareille besogne, il faut que vous soyez descendu au dernier échelon de l'échelle des êtres. Assez d'histoire et trêve de protestations hypocrites. Je n'invente pas, je ne suppose pas. Je constate que vous êtes à la solde du masque aux yeux rouges que vous-même avez qualifié de fou furieux, ce qui est sans doute l'unique vérité que vous ayez proférée parmi tant de mensonges. Et depuis 8 jours, vous l'aidez à me berner. » Vous vous êtes fait son complice, Vous saviez pourtant qu'il s'agissait de la vie d'une femme, de Miss Perle Rose, une artiste, et de ma vie à moi, un camarade. Tout cela, vous ne pouviez l'ignorer, pas plus que la portée exacte de vos complaisances et de vos mensonges, en prenant, auprès de moi, la place du vrai détective que j'aurais certainement appelé à mon aide, vous réduisiez mes chances à zéro. Vous condamniez Miss Perle et moi-même, et pourtant, vous n'avez pas hésité. Tenez, vous me dégoûtez. » Il jeta à l'ex-monsieur Jingle un regard écœuré. Mais en lui, l'abattement le disputait à la colère. Il ne se dissimulait pas que le coup était rude et qu'il pourrait difficilement éviter le knock-out. Après Calinette, Bob Staff. En chaque allié, il découvrait un ennemi, un traître. Ce masque aux yeux rouges était décidément un démon qui jouait avec lui à son gré. En évoquant l'aventure, depuis son effarant début, le pauvre James se mordait les lèvres de fureur. Il lui semblait, maintenant qu'il y voyait clair, qu'il n'aurait jamais dû donner dans le panneau. Le faux Jingle sentait à planer la mascarade, et ses manières étaient autant d'avertissements qui auraient dû éclairer sa dupe. Sa double personnalité, ses alternatives d'apathie et d'activité fébrile, le grotesque apparaissant derrière le détective perspicace, parbleu, sans cesse l'acteur se laissait aller à reparaître. Ils dépassaient l'une ou l'autre épaule du rôle, et M. Jingle pouvait à bon marché se donner des airs de voyant. Prompt à débrouiller les énigmes indéchiffrables aux simples mortels, il avançait à coup sûr et James n'avait plus à s'étonner de la facilité avec laquelle son mystificateur suivait une piste qui lui avait été indiquée à l'avance. L'auto, le restaurant, le yacht, la maison déserte et ce mystérieux envoi où aboutissait la farce, autant de rendez-vous fixés par Big Johnson pour se moquer de son rival avant de lui asséner le coup de grâce. Bob Staff, bon cornac et traître ponctuel, y amenait régulièrement la victime. Ses réticences, ses airs mystérieux s'expliquaient, ainsi que le voyage en aéroplane. En songeant à toutes ces choses, au rôle vraiment abject qu'avait joué le faux Jingle, M. Holsiver eut envie de le broyer. Mais il le vit si falot, il le devina si misérable sous son déguisement, pitre nécessiteux à la merci d'une tentation, qu'il eut presque pitié. Qu'était-ce que Bobby Staff ? Un assez pauvre air en somme, et que sa fameuse grimace n'avait pas conduit à la fortune. Il devait être à l'âge où l'acteur imprévoyant craint le lendemain. Une occasion s'était offerte de gagner la forte somme, d'assurer l'avenir. Il avait accepté, un engagement comme un autre. Il l'avait dit lui-même. Et peut-être n'avait-il pas compris, ne comprenait-il pas encore. Cela méritait-il la mort ? Non pas, le mépris suffisait. Le poing levé de James retomba. Le jeune milliardaire se détourna. « Va-t'en » cria-t-il. « Tu n'es qu'un inconscient coquin. Je te fais grâce, mais garde-toi de reparaître devant moi. De quoi ?» grogna le faux Jingle en se trémoussant nerveusement. « Qu'est-ce que vous dites ? En voilà un ton. Je te dis de t'en aller, » répéta James, redevenu calme. « Je te dispense même des renseignements que je pourrais essayer de tirer de toi. Sans doute, tu n'hésiterais pas à trahir qui te paye, car tu me sais riche. » « Vous me prenez pour un autre ?» cria violemment Bobby Staff. James haussa les épaules. « Assez de comédie, bouffon. Tu ne vaux pas un coup de poing et tu as trop menti pour que je puisse te croire. Disparais !» Bob Staff paraissait au comble de la rage. « Assez comme ça » cria-t-il en se mordant les poings et en toisant James d'un air de défi. « Assez comme ça !» Mais quelque chose gênait sa colère et en contenait l'explosion. Il avait une évidente envie d'éclater et de riposter aux paroles méprisantes du milliardaire. Mais il n'osait le faire et jetait autour de lui des regards furtifs qui semblaient craindre la proximité d'oreilles indiscrètes et bien cachées. « Tu te sais surveiller, railla James, et ça te gêne, pour m'offrir de me vendre tes révélations. Ne regrette rien. Je ne t'aurais pas écouté. Délivre-moi seulement de ta présence. » Il refit machinalement le geste de l'ange chassant le pêcheur du paradis terrestre. On est acteur, on ne l'est pas. Alors, Bob Staff, probablement convaincu, se résigna à l'impudence. Son masque se fit cynique, il haussa les épaules. « À votre aise, Master Holdsilver, je vous cède la place, puisque c'est votre désir. Je vais prendre un fauteuil d'orchestre pour un peu rire à vos dépens. C'est bien mon tour, mais souvenez-vous de ce que je vous dis, vous regretterez de m'avoir insulté. Dermine !» riposta James avec mépris. « Ce n'est pas toi que je crains. »« Il suffit bien que c'en soit un autre, » répliqua le faux Jingle. « Bien du plaisir, vieux Jimmy. » « Je vous avertis que ça finira très mal. » Et il s'en alla en ricanant. Le faux Jingle disparut derrière un bloc de rochers. James resta seul, tout seul dans l'étrange cirque, devant l'invraisemblable décor. Brusquement, Le sentiment de sa solitude s'abattit sur ses épaules et l'écrasa d'un poids insupportable. Il se vit si faible, en face de tant de forces invisibles, qu'à prétendre les affronter, il deviendrait ridicule. Son premier mouvement fut de se diriger vers l'aéroplane, son unique chance de saluer d'action. Mais en vain voulut-il remettre le moteur en marche. La provision d'essence était épuisée ou avait été enlevée. Désespéré, il se laissa tomber sur une roche, la tête dans ses mains. « Que faire ? » gémit-il. On peut, en déclamant, prendre des altitudes magnifiques et trouver pour chasser un traître un geste d'une écrasante majesté. Mais la tirade finit si le rideau ne tombe pas pour permettre à l'acteur de rester sur son effet et d'attendre que l'acte suivant lui apporte, avec un changement de décor, le renversement d'une situation sans issue, le héros se sent bien petit et bien misérable, qui n'a pour tout arsenal qu'un lot d'imprécations impuissantes. La vie n'a pas d'entracte, et chaque acteur ne doit compter que sur lui pour dénouer les situations. James dut s'avouer que c'était peu, et reconnaître que jusqu'alors il avait été soutenu et réconforté uniquement par la présence et l'assistance du faux Jingle. Le traître démasqué, le bon génie disparu, James demeurait sans espoir, ne sachant, et c'était à la lettre, de quel côté se tourner. Se relevant avec un soupir lamentable, aussi lamentable que sa situation, il entreprit de faire le tour du cirque dans lequel il se voyait enfermé. C'était surtout par besoin puéril d'agir et de prolonger, en agissant, l'agonie d'un espoir qu'il savait être une simple illusion. Quelle porte de salut pouvait-il en effet découvrir ? Devoir fuir lui désespéré, parce que c'était abandonner Perle, et qu'il eût été trop certain, allant chercher du secours, de ne pas revenir à temps. D'autre part, seul contre le masque aux yeux rouges inexpugnables et bien entouré, quel moyen d'action avait-il ? La ruse ? C'est affaire aux auteurs de romans d'aventure d'imaginer des situations qui en comportent l'emploi. Et il y faut l'aide de maintes ficelles dont James se voyait totalement dépourvu. La force ? Il pouvait mesurer la sienne à celle de ses ongles qui se fussent brisés contre le piédestal du palais de Big Johnson avant de l'avoir même entamé d'un millimètre. Pourtant, il avança, dans l'enfer sans issue. Les damnés arrêtent-ils leur éternelle promenade ? Les fauves captifs cessent-ils leur ronde inutile autour des barreaux de leur cage ? Ce fut pour se convaincre qu'un cercle infranchissable l'enfermait et que la base des montagnes, colosse ironique accroupi autour du pygmée qu'il était, défiait son escalade. Monsieur Jingle, ou si l'on préfère Bob Staff, avait disparu néanmoins. James put en acquérir la conviction au cours de son exploration, et cela prouvait l'existence d'une issue. Mais la découvrir était une autre affaire, quand on n'était point de connivence avec le masque aux yeux rouges. Le tour avait duré près d'une heure. Toute une autre heure, James, revenu à son point de départ, demeura étendu sur le sol, comme une marionnette que son maître n'anime plus. Vraiment, il ne lui restait qu'à attendre le bon plaisir de l'ennemi. Et s'il plaisait à celui-ci de le laisser mourir de faim au milieu du cirque, sans plus daigner s'en préoccuper, nul ne contemplerait son agonie. « Ah, Perle, gémit-il, pourquoi ne sommes-nous pas morts ensemble sous les eaux de la cataracte ?»« Regret inutile, aussi inutile que tout geste et toute parole. En vérité, il n'avait plus, s'il ne préférait en finir de suite en se broyant la tête contre le piédestal de granit, qu'à fermer les yeux et attendre la mort allongée sur le sol. » Le silence du cirque était déjà un linceul. Davantage affaissé, James attendit, s'efforçant, pour moins souffrir, d'arrêter dans sa tête le balancier de la pensée, d'être moins de révolte et plus de torpeur. Un sifflement léger, suivi d'un petit choc, le tira de cet état. Il leva la tête. À deux pas de lui, une flèche venait de s'abattre et tremblait encore dans la blessure du sol. À sa tête empennée était fixé un papier. L'acteur se frotta les yeux. N'était-ce pas un mirage stupide ? Puis, il étendit la main et se saisit du message en grommelant. « La farce continue. S'il espère me faire marcher encore, il se trompe. » Il déplia pourtant le billet, et ses sourcils se froncèrent parce qu'il était signé Calinette. « Elle a du toupet. » Il dit, et il lut, en entremêlant sa lecture de réflexions peu tendres à l'adresse de sa correspondante. « Cher James, c'est à plomb. Si je vous dis que je me repens de ce que j'ai fait, « vous ne me croiriez pas, parbleu. Et cependant, c'est la vérité pure. J'étais folle, elle l'a toujours été. Mais j'ai revu Perle, qui est en bonne santé, et vous envoie ses amitiés. Petite tartuffe, comme si Perle allait la charger de ses commissions après ce qu'elle a fait. Ces reproches m'ont fait honte et m'ont rendu la raison. Quand je croirai ça, il fera chaud. » Au moment où James prononçait ces paroles sceptiques, il ne faisait, remarquons-le, pas précisément froid, au fond de ce cirque. Le thermomètre eut marqué pour le moins 29 degrés à l'ombre. Indifférent à ce détail, le jeune milliardaire poursuivit la lecture de l'acte de contrition imparfaite écrite par la cynique Calinette en fine patte de mouche promenée sur papier pelure. « J'ai résolu de réparer ce que j'ai fait. Je suis curieux de savoir comment elle compte s'y prendre. Dans la mesure du possible. Ah ah, déjà des restrictions. Après mûre réflexion, j'ai décidé que ce que je pouvais faire de mieux, c'était de vous donner les moyens de nous rejoindre, Perle et moi. Surtout Perle, oh Calinette, si vous saviez comme votre endiablée petite personne m'indiffère, pour ne pas dire plus. Le reste vous regardera, parbleu. Je m'en rapporte à votre ingéniosité pour nous tirer des griffes du masque aux yeux rouges. Nous tirer ! Protesta James, indigné et courroucé. Ce cynisme frise la candeur. Est-ce qu'elle s'imagine que je vais l'emmener, si tant est que je puisse emmener quelqu'un, pour qu'elle recommence à trahir à la première occasion ? Mais voyons toujours les fameux moyens. Calinette les indiquait explicitement. Donc, cher James, voici l'itinéraire et le sésame. Et ce n'est pas ma faute s'ils sont un peu compliqués. Comme vous le devinez, ils sont signés ma boule. Et il faut avoir un fameux coup de marteau pour inventer cette façon de se passer de concierge. Recette pour demander qu'on vous tire le cordon. Placez-vous au pied du rocher, face à la troisième statue d'homme à tête de cheval. Elles sont reconnaissables, j'imagine, et vous savez compter jusqu'à trois. Faites demi-tour et marchez vers le quartier de roche que vous verrez à votre gauche. Ce bloc semble posé en équilibre sur un autre. Vous en ferez le tour et vous constaterez qu'il porte, gravé sur une de ses faces, un cadran solaire. Repartez alors droit devant vous et comptez 15 pas à grandes enjambées. Vous devrez trouver une grosse pierre sur votre route. Soulevez-la et prenez le revolver qui est dessous. Ce n'est pas une arme, c'est une clé, et vous allez comprendre. Revenez vous placer face au cadran solaire et attendez que l'ombre de la flèche marque la 12e heure. Cela ne tardera guère. À ce moment, faites feu sur le milieu du chiffre, exactement sur le milieu, et exactement aussi à l'instant où l'ombre y arrivera. Surtout, ne ratez pas votre coup. Il n'y a qu'une balle dans le barillet du revolver. Mais vous êtes un tireur épatant, et personne ne vous oblige à vous mettre à 30 pas de la cible. Faites cela, cher James, et vous verrez le rocher se déplacer, découvrant la porte par laquelle il vous faudra passer. Elle ferait reculer plus d'un visiteur. Mais vous n'êtes pas faussard. Il conduit auprès de Perle, sans parler de moi. « Elle ne fait pourtant que ça, » pensa James. « Je sais que vous n'hésiterez pas à entrer, quelle que soit la porte. À bientôt, Shake Hand, et vôtre, fidèlement, Calinette. »« Fidèlement, c'est le bouquet !» ricana l'acteur, en considérant l'ahurissante épître avec des yeux quelque peu effarés. Il relut une seconde fois. Le style ébouriffant était trop dans la manière de Calinette pour l'émouvoir beaucoup. Il la savait capable de plaisanter sous la menace de n'importe quelle arme à feu, blanche ou de toute autre couleur. On ne se refait pas. Jamais Calinette n'avait écrit ni parlé sérieusement. Chez elle, surtout, le ton ne faisait pas la chanson. C'était peut-être une mystification nouvelle inventée par la terrible enfant, cet âge est sans pitié. Mais cela pouvait aussi bien cacher une seconde trahison. 2 heures s'étaient écoulées depuis le départ du faux jingle. Au courant de sa déconfiture, Pete Johnson n'avait pu recourir à Calinette pour renouer la comédie. « Ça ne prendra pas, » s'affirma James. Néanmoins, il jugea convenable de procéder à une première épreuve. C'était la vérification des premiers tuyaux de Calinette. Cette vérification l'amena à constater la présence du bloc de rocher ainsi que du cadran solaire. « Un peu de vrai n'exclut pas beaucoup de mensonges, » conclut-il philosophiquement. À l'encontre des fleurs qui s'entourent d'épines, le fallacieux peut se dissimuler sous quelque réalité. Voyons si le revolver existe. Il existait. James le découvrit à l'endroit indiqué et s'assura qu'il ne contenait qu'une cartouche. Il remet alors près du cadran solaire. De plus en plus, il se sentait perplexe. « J'ai environ 10 minutes pour me décider, » monologua-t-il. « D'ailleurs, je pourrais toujours ouvrir la porte. Cela ne m'engage à rien. » Ceci dit, il prit la position classique du tireur et assura le revolver dans sa main droite, attendant l'instant de l'élever pour viser le milieu du X. Puis il employa les 10 minutes à réfléchir. Sans doute qu'Alinette pouvait mentir et elle était sujette à caution, mais si, par hasard, elle avait dit vrai. Il était -4. James fit un geste signifiant qu'il s'abandonnait à la fatalité. « Après tout, je ne risque pas grand-chose. Ma position ne peut guère empirer. » Il leva le revolver. « Allons-y !» Gagnant imperceptiblement, l'ombre avançait sous le cadran. Déjà, elle atteignait la pointe extrême des branches du X. Avec un petit frisson d'émotion, James visa, guettant ses progrès. « Feu !» La détonation à peine répercutée par le cirque sonore, une explosion plus formidable suivit. Ensemble, l'ombre et la balle avaient atteint le point central du X, et aussitôt, la roche oscillante s'abattait, découvrant à l'emplacement de sa base l'orifice circulaire d'un puits. James poussa une exclamation de surprise. « Drôle de porte !» Calinette avait dit vrai. Pareille porte avait de quoi faire hésiter. James en fut se pencher sur la margelle et devina, à quelques mètres, la surface miroitante de l'eau. « Bigre !» pensa-t-il. « C'est une manière de suicide qu'elle me propose. » La farce est macabre, et Bobby Staff a eu peut-être raison de me prédire que cela finirait très mal. Car il ne pouvait se tromper au sens des lignes mystérieuses de Calinette. Le puits était la porte. Pour entrer, il fallait piquer une tête. Et puis, qu'arriverait-il ensuite? Quelle issue pouvait offrir ce singulier chemin? Où conduisait-il? « Je verrai bien, » prononça froidement James en montant sur la margelle. Machinalement, il avait mis le revolver, vide de cartouches, dans sa poche. Calinette avait beau dire, cela pouvait à la rigueur servir de casse-tête. Prudence n'est pas couardise. L'amoureux de perles commença par se faire précéder d'une pierre qui brisa la surface de l'eau et s'y engouffra dans un clapotis. Aucun autre bruit ne suivit. Le puits est profond, augura James. Je puis plonger sans risquer de me briser la tête, mais sapristi. « Du diable, si je sais comment j'en sortirai !» Hésiter ne sert de rien, quand la décision est prise. Levant les bras, il plia brusquement son buste et se lança la tête la première, ayant si bien calculé son élan qu'il fila entre les parois sans les frôler, et atteignit juste en son centre la circonférence de l'eau. C'était un plongeon classique. James s'enfonça dans la masse liquide qu'il recouvrit. Sa descente à travers la couche d'eau fut plus lente, et ce fut sans choc brutal qu'il toucha le fond. Là, d'un souple tour de rein, il reprit la position verticale. Mais avant que ce mouvement fût achevé, il sentit soudain l'eau filer le long de son corps, baisser et s'enfoncer dans des trous invisibles, le laissant à sec, debout au fond du puits. Au même instant, l'intérieur s'éclaira, et les parois étincelèrent au ruissellement d'une clarté tombée d'un cercle de lampes électriques à grande puissance. En face de lui, James aperçut une ouverture en ogive, entrée d'un souterrain qui s'enfonçait dans le sol. « Des trucs de féerie !» s'exclama-t-il. « Cela ne me change pas du cinéma. Ah ça ! Est-ce que par hasard je me débattrais au sein d'un cauchemar ou me poursuivrais mes souvenirs professionnels ?» Il se pinça et se reconnut parfaitement éveillé. « Ce Big Johnson est le roi des fous. Mais quel metteur en scène il aurait fait ! Sans compter qu'il a dû s'envoyer pour plusieurs millions de décors. » S'étant secoué comme un chien mouillé, il l'était sérieusement, il se décida à s'enfoncer dans l'ouverture. Derrière lui, l'illumination s'éteignit et replongé dans les ténèbres, il lui avançait à tâtons. « Fichu chemin, ça ne peut conduire qu'au fond d'une oubliette. » Cette pensée lui fit froid dans le dos, sans toutefois l'immobiliser. À quoi lui aurait servi de retourner sur ses pas? Le puits avait bien une dizaine de mètres de profondeur. Et son diamètre était tel que James, si bon acrobate qu'il fût, devait perdre l'espoir de pouvoir remonter. Il continua donc à avancer, les mains étendues, tâtant les murs. Boum, badaboum, boum! Un violent coup de tonnerre, éclatant soudain, le fit sursauter. Des éclairs, en même temps, l'avaient enveloppé. Ils se renouvelèrent d'instant en instant, l'éblouissant au point que leur clarté trop éphémère ne lui permettait pas de voir ce qui l'entourait. « Bon, voilà une imitation d'orage particulièrement réussie. Avec tout autre, ça prendrait. Mais ce Big est un fameux âne d'espérer émouvoir par de pareils trucs un artiste de cinéma. Tout cela est archi connu, un lot de vieux clous. Que va-t-il me servir à présent ?» Il écarquilla les yeux et fut vite fixé. Devant lui, réveillé par les éclairs, c'était des passages d'ombre blanche qui lui adressaient des gestes menaçants. Des fantômes à présent, enfantins, grotesquement enfantins. Il pressa le pas pour en finir plus vite avec ses piètres épouvantails, et tout à coup, les éclairs cessèrent et l'obscurité l'enveloppa de nouveau en même temps qu'un grondement formidable emplissait le souterrain. Et devant lui, quelque chose sortit de l'ombre, fixa sur lui de gros yeux ardents. Un monstre accourut dans sa direction. L'acteur milliardaire faillit pousser un cri d'épouvante. Un monstre, c'en était un, et d'une espèce bien particulière, terrifiante en la circonstance. De toutes les machines à faire peur, chargées par l'imagination démente du masque aux yeux rouges, de défendre le souterrain contre l'audace des violateurs de mystères, celle-ci était la plus terrible parce qu'elle représentait autre chose qu'une fantasmagorie. L'orage artificiel, les spectres, des bêtises bonnes tout au plus à effrayer des enfants. Mais cette fois, la menace était d'un autre ordre, et c'était une horrifiante réalité qui accourait sur James pour le broyer. Calinette ignorait-elle ce gardien, déclenché automatiquement par quelque mécanisme dès qu'un visiteur indiscret s'engageait dans le passage? Sinon, la férocité perverse de la jeune amie de Miss Pearl dépassait en horreur toute imagination. Pousser James au-devant de ce genre de mort que devait précéder d'atroces secondes d'angoisse était le comble de l'inhumanité. Le jeune homme passa ses mains sur son front perlé d'une sueur froide. Ses jambes fléchissaient. Le monstre qui accourait au-devant de lui n'était autre qu'une locomotive lancée à toute vapeur. Le souterrain était un tunnel, mais un tunnel dont les dimensions, hauteur et largeur, étaient si exactement celles de la locomotive que celle-ci devait infailliblement broyer tout ce qu'elle rencontrait. Trébuchant, James heurta un rail, puis un autre, ceux que suivait le monstre. Alors, convaincu de l'impossibilité d'échapper, il perdit ce qui lui restait de sang-froid et, tournant le dos, se mit à fuir follement, poursuivi par les halètements et les trépidations de la machine. Fuite insensée entre deux rails, pouvait-il lutter de vitesse avec la coureuse au jarret d'acier? En réalité, il ne fuyait point, il tournait le dos à la mort pour ne pas la voir venir. Mais il n'avait pas fait trois pas que devant lui, un rideau noir et rigide s'abattit verticalement, tombant de la voûte, et le fuyard alla donner de la tête contre une plaque métallique fermant le souterrain. James poussa un hurlement de terreur et tout son corps se contracta. Collé à la plaque, il attendait une mort à laquelle il ne pouvait plus échapper et dont il s'imaginait sentir déjà le souffle brûlant. Elle ne vint pas. Pourtant, c'était dans son dos que retentissait le fracas. D'un effort, il se retourna et vit la locomotive dressée devant lui, traînant sa ribambelle de wagon. Il la regarda, et tout à coup, la contraction de sa face se changea en un rictus dément. Il poussa un éclat de rire strident, et tirant de sa poche un couteau dont il ouvrit la lame, il le brandit en s'élançant au devant de la locomotive. La terreur l'avait-elle rendu fou? Un bruit sec, celui d'une étoffe qui se déchire, s'ajouta aux autres bruits. La locomotive se disloqua et disparut, tandis que le bras de James, passant au travers de la toile qu'il venait de fendre, en écartait les lambeaux. « Un écran » hoqueta-t-il d'une voix où vibraient les derniers frémissements de son effroi. « Satané Big, c'est une fameuse blague. » Voilà qu'il m'a fait prendre pour du réel la projection cinématographique d'un train en marche. Compliment pour les bruits. C'était vivant, ma parole. Pas étonnant que je m'y sois trompé. Calmé, il s'irrita et jura. Mais sacredier, est-ce qu'il n'a pas fini de se moquer de moi? Toujours des trucs, toujours des effets, faut-il que je sois niais pour m'y laisser prendre? De fait, depuis qu'il était tombé entre les mains du fou, les procédés de celui-ci à son égard n'avaient guère varié. C'était toujours des préparatifs terrifiants, des apprêts de supplices qui s'achevaient en mystification. Faire peur et se moquer, le masque aux yeux rouges semblait prendre à ce jeu un plaisir d'enfant. Mais qu'attendre d'un fou? Le chat joue avec la souris jusqu'à ce qu'il la croque. Rumi de son émotion, James se dit encore que cette fois, le truc n'avait pas été monté spécialement pour lui. Il attendait les curieux et se déclenchait sans doute automatiquement. Avait-il déjà servi? Combien avait résisté à l'épreuve? L'acteur se plut à imaginer qu'il serait le premier à pousser plus loin. « D'autres épreuves m'attendent sans doute, » se dit-il, « mais cette fois je suis averti. Big ne pourra plus me faire peur. » Les fantasmagories paraissaient finies. le souterrain déroulait librement son interminable boyau, devenu silencieux, et James put avancer sans qu'aucune autre apparition n'ait tenté de l'intimider. 100 pas encore, et il aperçut une lueur assez faible, vraisemblablement projetée par une lampe posée dans une niche à un tournant du boyau. Comme James en approchait, il suspendit soudain sa respiration et ralentit sa marche, qu'il s'efforça de rendre silencieuse. Une ombre se détachait sur la muraille, celle d'un homme immobile qui attendait, embusqué là et armé jusqu'aux dents, car à sa silhouette noire s'ajoutait celle d'un coutelas formidable et d'un pistolet à long canon. Il était en sentinelle au tournant du boyau, entre la lampe et la muraille opposée. C'était à cette circonstance que sa présence devait être trahie par son ombre, et James pouvait s'en féliciter. Sans cette chance, il serait tombé sur le coutelas et eût été égorgé sans avoir fait ouf. Son couteau d'une main, son revolver de l'autre, celui-ci tenu par le canon, il s'avança avec circonspection, calculant, d'après l'ombre, la position de l'homme. Arrivé au tournant, il bondit, projetant en avant ses deux poings armés, qui retombèrent dans le vide. Il poussa une exclamation de dépit, décidément. Le souterrain était vide. La lampe accrochée à la paroi montrait un escalier d'une dizaine de marches, au haut duquel s'apercevait une porte entrebâillée. La sentinelle l'avait-elle fui par là? James se retourna. Sur la muraille, l'ombre maintenant dansait ironiquement. Elle pâlit et s'effaça. Quelques projections encore. « Jusqu'au bout !» murmura Oldsilver résigné. Il y était. En 4 bonds, il gravit les marches et poussa la porte. « Cette fois, il va bien falloir rentrer dans le réel. »« Le voilà, allez-y !» Ces paroles, lancées par qui, accueillaient James au moment où il franchissait la porte. Et aussitôt, la scène commença. La scène. Ce mot devait fatalement venir à l'esprit, et rien, en vérité, ne ressemblait moins à la réalité, davantage à la fiction, que l'ensemble des personnages et du décor qui attendaient le jeune milliardaire. Nous disons « personnages et décors », et nous prononcerions, volontiers, le mot de mise en scène pour caractériser les préparatifs ultimes du masque aux yeux rouges. Et ces mots pouvaient s'appliquer aussi exactement à toutes les phrases, à toutes les scènes de la tragicomédie dont il avait forcé James Oldsilver à devenir le héros. C'était indiscutable. Big Johnson, cela tenait à sa folie, ou plutôt c'était sa folie, avait la manie du théâtre, la hantise du ciné, et il transportait dans la vie, dans sa vie, leurs trucs et leurs artificiels. Il montait des drames vécus avec un tel luxe de fantasmagorie et d'extravagance qu'on les eût déclarés invraisemblables s'ils avaient eu des spectateurs plus désintéressés que Bobby Staff, ce comparse ou ce complice, et James, trop mêlé au drame pour pouvoir le juger. Ayant constaté, à ses dépens, cette manie du masque aux yeux rouges, l'amoureux de Miss Pearl aurait trouvé tout naturel, s'il y avait réfléchi, que la scène qui allait être le dénouement eût été montée préparée par Big Johnson comme un dernier acte du drame. Il ne s'étonna donc pas du cri qu'il accueillit, pas plus que du remue-ménage qui se fit à son entrée et qui rappelait un peu la confusion des acteurs surpris par le lever du rideau et se hâtant de prendre la place et la pose indiquée par leur rôle. Il pensa seulement, avec un serrement de cœur, « Je suis attendu, c'était un piège. » Et une fois de plus, il maudit la perfide Calinette. Mais il n'eut, pour réfléchir ou maudire, nul loisir. De suite, le drame machiné par Big le reprit à la gorge et l'affola, le bouscula, au point que ses actes et tous ses gestes ne furent plus que des réflexes. Nous avons parlé de mise en scène, voici en quoi elle consistait. La scène, la salle dans laquelle l'acteur venait de pénétrer, ne présentait point les dimensions colossales auxquelles on se fût attendu, à en juger par celles du dehors. C'était une pièce assez banale et de dimensions fort restreintes, violemment éclairées d'ailleurs, selon les méthodes chères aux fous. Le fond en était constitué par une large baie ouverte sur l'espace, une prairie ensoleillée, de la verdure et du ciel. Une tapisserie flottante et susceptible de glisser sur ses tringles fermait le côté droit, côté court, et 4 pouces à hilar et grotesque, entourant Big Johnson, occupaient la scène. Tout dans l'attitude, gestes et jeux de physionomie de ces personnages étaient combinés pour rappeler aux spectateurs qu'ils se trouvaient en présence de fous, chez les fous. Chez les fous. Plus violemment encore, la mise en scène du côté gauche, du jardin, était destinée à imposer cette impression. Là, Point de rideau fermant et dissimulant la coulisse. Celle-ci s'offrait au regard derrière une grille aux solides barreaux, et c'était une sorte de cage qui la constituait, une cage enfermant non des fauves, mais une douzaine de folles échevelées et hagardes, hurlantes, sinistres, atroces à voir, des furies dont les ongles et les dents appelaient une victime à déchirer. James vit cela, à peine, d'un seul coup d'œil, mais il n'eut pas le temps de se demander pourquoi on le lui montrait. Entre cette vision et son œil, Dick Johnson, entouré de ses quatre fous, s'interposait et lui criait, avant qu'il eût pu faire un pas, « Ah, Mr. Old Silver, on n'attendait plus que vous pour la grande scène finale. Ha ha! Vous devinez ce que c'est ?» Il semblait plus surexcité encore qu'à l'ordinaire et se trémoussait au milieu de ses poussins gloussants. « C'est la mort de Perle, naturellement. Le tableau s'appelle Miss Perle livrée aux folles. » Il fit un geste et James vit et comprit. On voit l'éclair, on entend le coup de tonnerre. Combien cela a-t-il duré 2 secondes? On n'aurait pas eu le temps d'un geste. On a celui de penser, le temps pensé qu'après, pour se rappeler ses pensées, pour les formuler, plusieurs minutes sont nécessaires. Un tintamarre infernal éclata, cris des poussas, rugissements de bigues, clameurs des folles. Le tout mêlé au fracas de tam-tam et de gong, frappé derrière la tapisserie par des musiciens invisibles. Une femme qui se débattait et criait, tournée vers James, des paroles qu'on n'entendait pas, traversa la scène, fut entraînée et projetée dans la cage des folles, dont la grille cadenassée se referma sur elle. L'amoureux avait reconnu Miss Perle aussitôt entourée, happée et submergée par les furies. Il vit cela et comprit, et il agit. Mais c'était déjà fini, et un rideau de fer, retombant sur l'horreur, lui ôtait à la fois la vision et la possibilité d'intervenir. Il comprit cela, que de penser, en 10 secondes, que Miss Perle était morte, et qu'il n'y avait plus qu'à se venger. Il avait bondi, 4 mètres à peine le séparaient de Big et des fous. Il pensa, d'un seul élan, les franchir, et sauter à la gorge du démon. Mais il se heurta à un obstacle invisible, à une surface lisse et polie, translucide, du verre, une glace sans teint, interposée par la prudence de Big pour séparer le bourreau de Miss Perle de la colère et du désespoir de l'amoureux. Il pensait à tout, ce Big. Du verre, oui, sans doute. Il fallait que James pût voir la scène. Et par un raffinement de barbarie, on voulait que, jusqu'au dernier instant, il ignorât la barrière et ne se crût point séparé de son ennemi. Seulement, c'était un bien fragile obstacle. Le masque aux yeux rouges avait-il vraiment prévu le degré de fureur, presque de folie, auquel allait atteindre James, fureur ou folie qui rendrait son élan irrésistible? La glace ne l'arrêta qu'une seconde. Aussitôt, ses poings forcenés, armés du couteau et du pistolet, s'abattirent et firent voler en éclats le fragile rempart. Il put passer par la brèche, s'élancer. Sur sa face contractée, dans ses yeux hagards, Big lut soudain la frénétique volonté de tuer. Il poussa un cri de terreur et se précipita hors de la pièce. Derrière lui, James galopa. La soif du meurtre, et cette fois possédée l'acteur, donne des ailes. Mais la peur n'en donne pas moins. Pour l'instant, ce dernier sentiment, irrésistible, irréfléchi, s'était emparé du masque aux yeux rouges, et rien d'autre que le désir de fuir n'existait en lui. C'était pourtant un colosse au poing formidable. En face de James, il avait une fois prouvé sa force. Mais la haine qui jaillit des yeux humains en fulgurants éclairs est douée d'une étrange puissance. Entre 2 hommes qui se haïssent, les haines se mesurent avant. La plus forte l'emporte. Celle qui est le plus sera le vainqueur. Sa volonté dominera, quelle que soit la force physique de l'autre. Ce vainqueur désigné, c'était James. L'épouvante irraisonnée de Big Johnson l'avouait. Et c'est pourquoi ce dernier avait pris la fuite. Il volait. Quelques marches le séparaient de l'extérieur. Il les franchit d'un bond. James fit de même, les yeux rivés sur son ennemi, ne voyant que lui. Il ne sut point qu'à la suite du masque aux yeux rouges, il traversait une pelouse. Mais il vit que Big courait vers une sorte de hangar sous lequel s'abritaient des chevaux scellés. Et devinant l'intention du bourreau de perles, il voulut redoubler de vitesse. C'était impossible. Sa hâte égalait peut-être, mais ne dépassait pas celle de Big Johnson. Celui-ci atteignit les chevaux avant d'avoir été rejoint. Un prodige de voltige le jeta sous le dos du premier qui bondit sous le choc, se cabra, fut maîtrisé et partit au triple galop, affolé par une secousse du mort et la pression des genoux du cavalier, Damnation! Les dents serrées ne s'ouvrirent pas pour laisser passer ce juron. Déjà, Jay Oldsilver empoignait la bride du second cheval et sautait en selle. La galopade furieuse fut double et les chevaux, emportant leur cavalier à une vitesse vertigineuse, se ruèrent l'un derrière l'autre à travers l'espace libre d'une suite de prairies. Du perron, les voix terrifiées crièrent. James distingua son nom et aussi deux supplications. « Arrêtez! Écoutez !» Il ne tourna même pas la tête. Désormais, l'issue de la poursuite dépendait moins de la volonté des maîtres que de la sûreté du galop des chevaux. Que le premier broncha, et s'en était fait du masque aux yeux rouges, que le second s'abattit, et James, réduit à l'impuissance, verrait son ennemi lui échapper. L'un et l'autre le comprenaient, et leurs mains tenaient fermes les montures. Courbés sur les encolures, ils galopaient. De temps à autre, Big Johnson se retournait pour voir si James ou lui gagnaient du terrain. Sa face convulsée par la terreur apparaissait, car les cordons de son masque s'étaient brisés et le loup protecteur pendait sur sa poitrine. À diverses reprises, il tenta de crier quelque chose, une supplication, que James n'entendit pas plus que les appels poussés tout à l'heure derrière lui. Les mâchoires du masque aux yeux rouges tremblaient trop. Ses dents, s'entrechoquant, rendaient ses paroles inintelligibles. D'ailleurs, aucune prière n'eût arrêté l'élan vengeur de l'amoureux. La fuite était la seule chance de salut de Big. La vitesse des chevaux s'équivalait. Entre eux, la distance ne diminuait pas. Cette constatation n'apaisa point la frayeur du masque aux yeux rouges, mais elle irrita James, qui souhaita bondir par-dessus le col de sa monture. Sa douleur d'avoir entrevu la fin tragique de Miss Pearl et son désir de venger l'actrice ne diminuaient pas sa lucidité. Il conservait un certain sang-froid qui s'appliquait uniquement à ce qui concernait sa vengeance. Et parce que le but, hors de sa portée, paraissait trop lointain à son impatience, parce qu'il redoutait de le voir s'éloigner davantage et lui échapper, il rumina, tout en galopant, la meilleure tactique à employer pour écourter la poursuite. Et il examina le harnachement et la selle dans l'espoir d'y découvrir une arme. Les fontes étaient vides, mais à l'arçon pendait un paquet de cordes que James reconnut et dont il s'empara avec un grognement de joie. C'était un lasso. Encore un exercice, encore un sport qu'il avait pratiqué au cours de sa carrière de vedette cinématographique. Il y excellait. En quoi n'excellait-il pas? Il se rappela qu'une fois il avait, pour obéir aux indications d'un scénario, arrêté par ce procédé un cheval emballé qui emportait Miss Pearl. Aujourd'hui, sa main tremblerait moins encore. Il lança le lasso qui se déroula dans l'air et s'abattit, enveloppant le busque du masque aux yeux rouges. Arraché de sa selle, le colosse roula à terre, tandis que sa monture, délestée, s'enfuyait. Rugissant de joie, James arrêta son cheval, sauta à terre et courut à son ennemi. Celui-ci n'était pas seulement paralysé par le lasso, il gisait, évanoui, la rude chute qu'il venait de subir lui ayant fait perdre connaissance. Il était à la merci de James, fou de haine. « Tu vas mourir !» cria farouchement l'amoureux de Miss Pearl en se penchant sur le démon. L'entrée en scène de James Oldsilver, ses manières de forcené, n'avait pas terrorisé que le masque aux yeux rouges. Tous les autres spectateurs en demeurèrent sidérés. Chose étonnante, bien que l'intervention de l'amoureux de Pearl fut évidemment attendue et eût été provoquée avec la complicité de Calinette, nulle autre précaution n'avait été prise que la cloison de verre. Sans doute, Big Johnson s'était attendu à une scène d'effrayant désespoir, mais point au frénétique accès de fureur en présence duquel il avait perdu la tête, si tant est qu'on puisse employer cette expression en parlant d'un insensé. Ses compagnons en firent autant, et leur attitude couarde laissa le champ libre à l'attaque de l'acteur. Manifestement, chacun d'eux ne songea qu'à se garer de l'ouragan. Mais leur frayeur eut un singulier effet. À partir de cet instant, les fous cessèrent de se comporter en fous. Ils parurent avoir subitement recouvré la raison. Tous quatre pâlirent et se regardèrent. « Je ne voudrais pas être dans la peau de Big, » dit le premier. Les autres approuvèrent, et l'un d'eux proposa timidement « Donnons l'alarme, ou gare à la casse. » Ils s'élancèrent au dehors en criant « Arrêtez-le, rappelez-le, il a cassé la glace !» C'étaient ces clameurs de détresse que James avait entendues et dédaignées. Elles eurent un autre effet dans la mystérieuse demeure. De toutes parts surgirent des gens affolés qui s'interrogèrent. « Qu'est-ce? Que se passe-t-il ? » À tous, les poussards répondaient en désignant le fugitif et son poursuivant Old Silver a voulu sauter sur Big et lui donne la chasse. Et tous déclaraient avec des mines consternées, ça devait finir par là. On aurait tout à fait dit des gens sensés, et pourtant on était chez Big le Fou, dans son palais de la folie, et parmi ce groupe, si raisonnable, on pouvait reconnaître, outre les poussas, les folles qui avaient déchiré Miss Pearl. Mais d'autres visages se mêlaient à eux. Calinette, le faux Jingle, particulièrement inquiets, ces deux-là. « Eh bien, nous voilà propres !» criait Bob Staff en gesticulant, et Calinette émit les sourcils froncés. « Big a eu tort de se sauver. Il a eu raison. S'il était resté, James lui tordait le cou devant nous. » Le faux Jingle avait à peine prononcé cette phrase qu'un bolide tomba au milieu du groupe consterné. « Qu'est-ce que vous fabriquez là ? Il faut courir, il faut l'arrêter, le calmer, au chevaux !» C'était le petit homme noir, le petit diable, comme l'appelait M. Jingle, et ce diabolique homoncule paraissait plus surexcité que jamais. Électrisés par son apostrophe, tous se précipitèrent vers le hangar et en un instant, une douzaine de cavaliers furent en selle, Bob Staff en tête. Le petit homme noir voulait en faire autant, Calinette l'interpella. « Big est free !»« James va sûrement le zigouiller !» affirma-t-elle. Le petit homme sursauta et se retourna. « Tu crois ?» demanda-t-il d'une voix troublée. « Parbleu, fallait pas lui laisser croire que Pearl était morte. » Alors le petit homme, laissant éclater un brusque désespoir, fit mine de s'arracher les cheveux. « Cours, Calinette, il est peut-être encore temps, tu le calmeras. »« Ah oui, moi surtout !» riposta la fillette en haussant les épaules. « Il ne m'écoutera pas, moi. » « On n'a tout de même pas le laisser démolir Big !» gémit le petit homme. Preste, Calinette fit demi-tour et partit en courant vers les bâtiments. « Où vas-tu ?» Ayant crié cette question, à laquelle elle ne daigna point répondre, le petit homme se ravisa. « Au fait, elle a raison. C'est la seule chance du gros Big » murmura-t-il. Et sautant sur le dos d'un poney, rageur, il partit au galop. À quelque distance de l'endroit où était tombé le masque aux yeux rouges, il y avait un point de vue pour ainsi dire classique, tellement il semblait fait pour tenter l'appareil photographique et arrangé pour servir de cadre aux scènes les plus dramatiques. Le tapis de la prairie s'interrompait brusquement et laissait apparaître un sol dénudé et caillouteux auquel succédait presque aussitôt le roc. Une faille s'ouvrait là, enfermant un torrent. Mais comme l'un des bords, celui sur lequel se trouvaient James et son prisonnier, était plus élevé que l'autre, il semblait le rivage d'une baie de nuages. Un pin y avait poussé qui penchait au-dessus de l'abîme, des branches difformes, dont l'une se découpait sur le ciel à la façon d'un bras de potence. James remarqua cette branche et ses yeux jetèrent une lueur. Ce n'était plus un homme en possession de son équilibre mental, mais ce genre de folie peut se traduire par une apparence de sang-froid. Jamais l'acteur n'avait paru aussi maître de ses nerfs qu'au moment où il se courba pour achever de garrotter le masque aux yeux rouges. Il jeta au petit pain un regard approbatif et murmura « Ça sera parfait. » Puis, saisissant l'extrémité du lasso, il traîna vers l'arbre le corps de son ennemi que les secousses et les meurtrissures tirèrent de son évanouissement. Big Johnson ouvrit des yeux pleins de terreur, constata sa misérable situation et gémit « Vous n'allez pas me tuer, James Oldsilver. » Ils étaient arrivés au pied de l'arbre, au bord de l'abîme. James s'arrêta, prit son couteau et coupa méthodiquement le morceau inutilisé de lasso dont il mesura la longueur qui le satisfit. À l'une de ses extrémités, il fit un nœud coulant et déclara froidement « Si !» et il attacha la corde à la branche. À cette vue, Big Johnson devint livide. Ses yeux reflétèrent une atroce terreur. Sa mâchoire se mit à trembler violemment. Il voulut parler, mais seuls des sons indistincts s'échappèrent de ses lèvres. Sans lui accorder la moindre attention, James poursuivait sa besogne. Il passa le nœud coulant autour du cou de Big. « Miss Pearl Rose a souffert davantage, » dit-il d'une voix qui trembla. « Je ne veux pas y penser, car je te torturerai. On a prétendu que tu étais fou et je le crois. C'est de cela que je tiens compte, vois-tu, tu n'es pas responsable. Tu n'en es pas moins un monstre. Et je dois débarrasser la terre de la bête dangereuse que tu es. Assez, assez !» bégaya Big Johnson, vert de terreur. « Vieux camarade, il ne faut pas... » Il essaya de se rouler sur le sol pour échapper à James, mais la corde était autour de son cou. « Elle n'est pas morte, elle ressuscitera » hurla-t-il, la face violette et les yeux hors des orbites. La phrase s'étrangla dans sa gorge. James haussa les épaules et tira sur le nœud coulant. « Au secours !» grogna Big. Ses yeux s'étaient fixés. Ils exprimaient à la fois la terreur et l'espoir, l'une et l'autre poussées à leur paroxysme. James suivit la direction de ce regard et vit à courir au galop la troupe de cavaliers. « Ne te réjouis pas, ils arriveront trop tard pour te sauver. » Et il empoigna à bras-le-corps le masque aux yeux rouges pour le pousser dans l'abîme. Big Johnson, ne pouvant parler, se mit à jeter des cris lamentables. De loin, les cavaliers les voyaient se détacher sous le ciel et pouvaient suivre tous les détails de cette scène. L'imminence du péril que courait Big parut les affoler. Ils se mirent à cravacher leurs montures. En même temps, des cris parvinrent jusqu'à James. « James, arrêtez! Attendez !» Le jeune homme tressaillit et releva la tête. Cette supplication avait été criée par une femme galopant en tête de la troupe. « C'est une hallucination !» balbutia-t-il. « J'ai cru l'entendre !» Mais sa main tremblante avait lâché la corde. Big Johnson put respirer et clamer. « C'est elle! C'est bien elle! Elle vient! Elle vous expliquera! Attendez !» Et l'Amazone, lancée au triple galop, se dressait sur ses étriers, continuant à crier. « James, au nom du ciel, ne le tuez pas! Je suis vivante !» Alors, James Oldsilver, se relevant, se mit à courir comme un fou au-devant de la femme. « Perle! Perle !» Il la voyait maintenant. Il distinguait son visage. C'était celle qu'il avait crue morte. Délirant de joie comme il avait déliré de douleur, il se jeta au-devant du cheval, au risque de se faire renverser et piétiner. Mais Perle était une écuyère consommée. Elle fit faire un écart à sa monture, évita James, et se jetant à bas de la selle, tomba dans les bras du jeune homme. Ils s'étreignirent en pleurant tous deux, secoués par une égale émotion. « Oh James, James, qu'alliez-vous faire ?» sanglotait l'actrice. « Vous vengez, ma chérie !» répondit-il avec exaltation, opposant ses lèvres sur les cheveux blonds. Cela donna aux autres cavaliers le temps d'arriver, de sauter à terre et de se précipiter vers le masque aux yeux rouges qui commençait à se sentir un peu plus rassuré. Monsieur Jingle et le petit homme noir furent des premiers à le palper et à l'inventorier avec une touchante sollicitude. « Ouf !» fit le premier en poussant un soupir d'aise. « Il est complet !» constata froidement le second. « Aucun mal. All right, il n'y a rien de cassé. » « Au contraire, » remarqua Calinet, en lorgnant malicieusement James et Perle, « il me semble que ça s'arrangera. » La tête de Miss Perle s'éloigna un peu de celle de son amoureux, sans pourtant quitter son épaule. Elle murmura, avec une adorable confusion, « Cher James, à quoi m'obligez-vous? Me voilà horriblement compromise. »« Il réparera, » clama Calinet, en dansant autour du couple une gigue frénétique. « Mais ça a failli mal finir. Il avait déjà le pied dans le crime. » « Ah, James, vous pouvez vous vanter de nous avoir donné chaud. »« Fichtre, oui, » approuva le faux Jingle en s'épongeant le front. Et tous depuis le petit homme noir, plus frétillant que jamais, jusqu'au masque aux yeux rouges qu'on venait de délivrer de ses liens et qui ne semblait pas du tout, mais là, plus du tout en vouloir à Perle ni à James, tous opinaient du bonnet et faisaient signe qu'ils avaient en effet eu très chaud. Et quand ils eurent un peu repris haleine, car visiblement l'émotion autant que la rapidité de leur course leur avait coupé le souffle, le petit homme noir déclara, avec un ricanement satanique, « Puisqu'il n'y a rien de cassé, et que la mébigue est toujours debout, on va pouvoir continuer. On en était resté. » À ces paroles, qui le firent tressaillir, James se redressa, et sans lâcher la taille de Miss Perle, toisa le petit homme noir d'un air qui disait clairement, « Je ne sais trop quelle menace vous entendez par là, mais venez-y. » Toute cette succession de scènes avait été trop rapide pour qu'il eût pu se mettre à la page. Il demeurait ahuri par l'imprévu des événements et n'en retenait tout d'abord qu'une chose, c'était qu'il tenait dans ses bras Miss Perle, laquelle n'avait pas l'air de trop s'y déplaire. Mais quant au reste, c'était du mystère, de l'incompréhensible. Comment son amie était-elle saine et sauve? Pourquoi courait-elle arracher à sa colère leur commun bourreau? Que faisaient là le faux Jingle et Calinette, ces deux traîtres, impudemment épanouis et qui semblaient ravis de leur personnage? Et que signifiait la transformation inouïe des autres, les fous, les furies et le masque aux yeux rouges lui-même, devenu tout à coup inoffensif et cordial? Après tout, James avait bien le droit de suspecter cette trop rapide conversion et de se demander si l'arrivée de Miss Perle n'avait pas été une simple diversion, habilement provoquée pour soustraire Big Johnson à sa colère. Ce but atteint, le drame n'allait-il pas, selon l'expression du diabolique petit homme noir, reprendre et continuer? Le jeune milliardaire promena sur le cercle un regard menaçant. mais avant même que son regard se fût fixé sur le masque aux yeux rouges, celui-ci se rejetait en arrière et répondait à la proposition du petit homme noir par un geste de protestation éperdu. « Ah non, j'en ai assez, moi. J'envoie tout au diable. » James écarqua les yeux et vit sourire Miss Pearl. « Ne devinez-vous pas ? » fit-elle. « C'était du ciné. » Puis elle joignit les mains et demanda avec une tendre inquiétude dans la voix. « Est-ce que vous me pardonnez cette farce, James ?» Du ciné, une farce ? James ouvrait les yeux de plus en plus effarés. Il lui semblait que sa tête s'emplissait de bourdonnements et qu'autour de lui le paysage se mettait à danser une valse effrénée. « Vous n'allez pas perdre la boule !» cria Calinette, qui contemplait avec une gaieté narquoise l'ahurissement de son ex-partenaire. « Il y aurait de quoi ?» balbutia piteusement celui-ci. Miss Pearl lui avait pris les mains. « Regardez-moi, James, » pria-t-elle. Il essaya de sourire. « Ça tourne un peu, » avoua-t-il. « C'est ça !» cria l'impétueuse Calinette. « Vous y êtes, James. Ça tourne, ça a tourné. Nous tournons. » « Tâche de lui expliquer, Pearl. Autrement, il va battre la campagne. Et d'abord, présente-lui ce personnage diabolique. » Elle désignait le petit homme noir qui s'avança en se frottant les mains. « C'est juste, » dit Miss Pearl. « James, voici Master Teach, l'auteur du scénario et en même temps notre metteur en scène. Je vous conterai tout à l'heure comment nous avons fait sa connaissance, Calinette et moi. Et voici Fred Harway, un bon camarade, qui ne vous gardera pas rancune d'avoir failli par vous passer de vie à trépas. » Tour à tour, le petit homme noir et le masque aux yeux rouges, dont l'actrice venait de révéler l'identité véritable, s'approchèrent de James, qui leur serra cordialement la main. « Enchanté, monsieur Oldsilver, » affirma le frétillant monsieur Teach. « Sans rancune, » déclara Fred Harway, « vous m'avez fait passer un mauvais quart d'heure, James Oldsilver. Mais vous me deviez déjà pas mal de mauvais moments, et naturellement, vous ne pouviez pas deviner que c'était une comédie. Puisqu'on avait pris toutes les précautions possibles pour vous persuader du contraire, » acheva Calinette. « Cela m'a même coûté assez cher, » soupira M. Teach. « Et à moi, donnez bien du mal, » renchérit le faux Jingle. « Ah, vieux camarade, c'était un fameux rôle, mais bien difficile à tenir. » Tour à tour, James les observait d'un œil morne. « Un scénario. Celui que vous avez refusé quand je vous ai proposé le rôle par téléphone, » expliqua M. Teach. « Je ne me tiens jamais pour battu et je m'étais juré que vous joueriez le rôle. » Ce n'était qu'une question de dollars. Vous n'avez qu'une publicité raisonnable qui répandra cette petite histoire. Je compte bien que la bande me fera rattraper la somme, augmentée d'un coquet bénéfice. » Il frappa dans ses mains et soudain, de tous les coins du paysage, surgirent des tourneurs armés de leurs appareils. 20 objets cinématographiques visèrent James, Pearl et leur entourage. « J'en avais fourré partout, » jubila le petit homme noir. « Depuis le moment où vous avez fait la connaissance de mes hommes, monsieur Oldsilver, vous n'avez pas esquissé un geste qui n'ait été filmé. Ah, c'est une mise en scène qui m'a donné du fil à retordre, et je ne recommencerai pas demain. Mais enfin, le résultat est là. » Il frappa sur un des appareils. « Oh !» cria James, illuminé. « Palsambleu ! Voilà qui était digne d'un impresario yankee. L'histoire devenait claire, aussi lumineuse que les flots de lumière électrique dont certaines de ses parties avaient été éclairées. Point n'était besoin maintenant à James de l'entendre. Il la devinait d'avance et la reconstituait dans ses moindres détails. Mais comme c'était la bouche de Miss Pearl Rose qui lui fournissait l'explication, il but néanmoins les paroles de sa bien-aimée. « James, j'agis comme une sans-cœur, et vous savez que je l'étais, » confessa la belle actrice. « Mais prenez-en-vous à Calinette, qui m'a poussé à cette folie. »« C'est cela, accuse-moi lâchement, j'ai bon dos, » répliqua l'enfant terrible. « N'empêche que tu as marché autant que James, et que par-dessus le marché, tu t'es prise à ton propre piège. » Car il n'était pas écrit dans le scénario que tu deviendrais amoureuse, pour de bon amoureuse, de James. Et si j'en crois mon petit doigt, et plus encore mes grands yeux... « Tais-toi !» interrompit Miss Pearl, plus rose que jamais, en menaçant du doigt son indiscrète confidente. « Laisse-moi raconter. Toi, tu mets le dénouement avant le prologue. » Le prologue, c'était la visite qu'elle avait reçue après le départ de James Oldsilver. Celle de l'obstiné M. Teach, qu'accompagnait le gigantesque Fred Harway. À ce moment, l'auteur metteur en scène connaissait déjà le refus de l'amoureux déconfit et sa résolution de ne plus faire de cinéma. Mais M. Teach avait son projet, dont la réalisation nécessitait la collaboration, il faut presque dire la complicité, de Miss Pearl et de Calinette, sans parler de quelques autres plus aisés à obtenir. On conçoit qu'il voulut à tout prix pénétrer jusqu'à l'actrice. M. Teach était un homme terriblement énergique et ingénieux qui ne reculait devant aucun moyen. On a vu de quelle façon il avait forcé la porte de Miss Pearl. Ayant suffisamment terrifié l'actrice par la mise en scène de son entrée, il profita de son effroi pour exposer sa petite affaire. « Un rôle en or, chère Miss, » avait-il affirmé, « je vous apporte l'occasion d'atteindre au plus haut sommet de la gloire. Vous jouerez dans une œuvre dont l'originalité ne sera jamais dépassée. Après moi, il faudra tirer l'échelle, c'est monumental. » Ce fut l'avis de Miss Pearl lorsqu'il eut exposé son projet, qui consistait simplement à faire jouer James, malgré lui et sans qu'il s'en doutât, en exploitant le sentiment très tendre qu'il nourrissait à l'égard de l'actrice. Que fallait-il pour réussir? Quelques modifications au scénario et une série de dispositions qui donneraient aux scènes successives une apparence de réalité, en les reliant entre elles de façon à supprimer toute solution de continuité. Il ne devait pas être impossible de donner à James l'illusion d'une aventure réelle. La supercherie de M. Teach était si audacieuse qu'il ne pourrait venir à l'esprit de James de la soupçonner. Et de fait, ce dernier ne s'en était point avisé. Il est vrai que la folie supposée de Big Johnson rendait vraisemblables les pires incohérences. « Les choses ont pourtant failli se gâter plus d'une fois, » confessa le metteur en scène. D'abord, Miss Pearl n'a collaboré qu'à contre-cœur. Et sans Miss Calinette, je crois bien qu'elle aurait refusé de prendre part à cette mystification. « Soyez fier, James, » intervint Calinette. Pour la décider, il a fallu lui insinuer que c'était une façon de vous mettre à l'épreuve, sans trop de danger. Elle voulait un héros, vous vous souvenez? Eh bien, l'occasion était unique de voir s'il y avait en vous l'étoffe suffisante. Vous seul ne deviez pas savoir qu'il s'agissait d'un rôle. Vous y avez d'ailleurs été admirable. « Admirable, » répéta Miss Pearl. « Mais j'ai été bien imprudente, et j'ai failli être bien punie. En dépit de toutes les précautions prises, il s'en est fallu de peu que vous ne périssiez noyé, mon pauvre James. Cette partie de la scène n'était pas truquée. Pas plus que votre dévouement, chère Pearl. À ce moment-là, je voulais tout vous avouer. Et c'est pourquoi j'ai trahi, » expliqua cyniquement Calinette. Ça s'accordait d'ailleurs, merveilleusement, avec le scénario. Monsieur Jingle et Monsieur Teach l'ont compris de suite. Ils ont marché. Je pense que vous ferez des excuses à ce pauvre Bobby, que vous avez si copieusement injurié. » James, maintenant, souriait. Après tout, la farce était drôle, et il songeait d'autant moins à s'en fâcher qu'elle avait singulièrement avancé ses affaires auprès de Miss Pearl. « Bobby Staff n'a pas été le plus maltraité, » observa-t-il. « Que dira Fred Harway, que j'ai voulu pendre ? Là encore, j'allais frangeux. » « Et ce n'était pas davantage dans le programme, » s'exclama M. Teach. « Ah, James Saltzilver, si vous l'aviez tué, je ne vous aurais jamais pardonné de n'avoir pas attendu l'opérateur. Pensez que nous avons raté une scène pareille. Nous la recommencerons, » proposa cordialement l'amoureux de Miss Pearl. « Ce ne sera plus la même chose, » gémit M. Teach. « Pour une fois que nous pouvions cinématographier un drame vécu, vrai, je n'ai pas de chance. » Son regret était sincère, mais ni Pearl, ni James, ni surtout Fred Harway ne le partageaient. « Ne vous faites pas plus féroce que vous n'êtes, » riposta le faux Jingle. Tantôt, quand nous avons pu croire que ça y était, et que James Saltzilver allait faire un malheur, vous n'étiez pas plus fier que ça. James a bien pris sa revanche. Nous avons eu notre frisson, et cela prouve que le vrai, seul, empoigne. Monsieur Teach n'en démordait pas. « Ce n'eût été qu'un accident professionnel, » appliqua-t-il. « Fred mourait au champ d'honneur, mais malheureusement pas dans celui de l'appareil. Et ça, de la part d'un acteur de ciné, c'est la suprême gaffe. » Cet homme vous faisait froid dans le dos. Oubliant déjà les émotions si fortes dues à l'incident, il retournait à ses préoccupations d'antan. « Avec tout ça, mon scénario reste en plan, » soupira-t-il. « Et maintenant que le truc est découvert, qui sait si M. Oldsilver va consentir à finir de bonne grâce ?»« Pourquoi pas ?» répondit Miss Pearl en prenant la main de James. « Ça dépendra du dénouement, » observa judicieusement Calinette. « L'important est qu'il plaise à James. »« Il lui plaira, » affirma Miss Pearl. « Il lui plaira parce que... » James regarda la belle actrice et ses yeux pleins d'espoir interrogeaient. Mais ce fut Calinette qui répondit. « Parce que ça finira par un mariage, » cria-t-elle, tandis que la jeune femme laissait tomber sa main dans celle de son amoureux. et cette fois, Miss Perle Rose ne protesta pas. Ainsi s'achève Le Masque aux yeux rouges par Henri-Jeanne Magog.